Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. Quel beau cadeau! 20 ans pour le pied dans la marge, la sauce qui soutient Ange, 70 ans pour le père Christian Descamps et ce CD live Harfleur, quelques pétales, superbe de bout en bout. Bonsoir, bonsoir, Progapart, l'émission du rock progressif qui persiste et signe depuis un certain nombre d'années. Après donc cet inédit, on passe à quelques petites nouveautés. Et pour commencer avec une nouveauté, c'est une réédition, mais une réédition de quelque chose qui était devenu très rare. Je veux parler de Gandalf. Gandalf, vous savez, c'est cet artiste proche de Tangerine Dream, Ashra Temple. Il est autrichien. Et en 1980, il sortait ce superbe Journey to an Imaginary Land. Enfin réédité et dispo, voici donc un extrait de ce Journey. Thank you. Après ce voyage, ce journey, ce voyage à un pays imaginaire, du Gandalf, celui qui vient d'Autriche, partons en Pologne avec un autre voyage, cette fois-ci dans le temps, un nouveau groupe intitulé Retrospective, et leur premier album s'intitule tout simplement Research. Tout de suite, Retrospective. Un petit côté Opeth chez ce groupe polonais Rétrospective et titre de leur premier opus Research. Qu'est-ce qu'il est productif ce britannique de Steve Hughes, H-U-G-H-E-S. Voici déjà le deuxième volume de son Once We Were, toujours publié chez Progressive Records Promotion, et c'est du pur bonheur. Franchement, un régal. Vous allez pouvoir écouter tout de suite un extrait, la plage numéro 8, Once We Were Part 2, Steve Hughes. Thank you. comme pour Gandalf, on a vraiment du mal à imaginer que ce gars, il est tout seul. Ben oui, il est tout seul, il fait tout tout seul. Steve Hughes, Once We Were Part 2. On va de l'autre côté des Alpes, chez nos amis italiens, comme je disais à l'instant à Christian, la botte italienne regorge de rock progressif. Vous, les fidèles des fidèles, vous le savez, mais vous connaissez certainement pas Dolcetti. Dolcetti, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, D-O-L-C-E-T-I. Et sans jeu de mots, Arrivé, c'est le titre de l'album, de leur premier album. Pas très italien, vous allez voir comme son, ça rappelle plutôt les Flower Kings. Sans attendre, tout de suite un extrait de Dolcetti. We'll be right back. grazie mille, ciao e buonanotte. Io sto bene e tu come stai? Sono tutto bene, bene. This is nice. This is safe. This is sunshine. This is the moon on Corny Fell on Friday night. This is me. This is you. This is this. So shine, shine for me. 'Cause when you shine for me, it's all. I saw your future in your eyes. I was only looking for a piece of mind. And if you cannot be with me, then I'll understand completely. I would only take away what makes you you. And if maybe there's a chance for us to nurture this romance, then I'll always be, and you'll always be with me. Well, we walk along the beach, and I chase the wind through your hair, and the waves are singing songs for you, I swear. I will always have this moment. I will clasp it in my coat of a windy day and sunset in your eyes. And you know I'm always there, and I'm waiting by the phone, and I'll always be, and you'll never be alone. me, 'cause when you shine for me, it's okay. Le jour où commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Dunker ! Sol, 100.7. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de l'Italie, on était parti tout doucement, mais sûrement vers le nord de l'Angleterre. Après Dolcetti, on est parti donc du côté de York, un pays du nord de l'Angleterre qui m'est cher, cherchez pas pourquoi, avec un jeune groupe intitulé Bugenhagen. Non, c'est pas allemand, c'est pas danois, c'est bien british. Bugenhagen, B-U-G-E-N. H-A-G-E-N, un mini-album que j'ai beaucoup aimé, qui a un petit côté néo-prog, early néo-prog, ça rappelle un petit peu les Pendragon du début. Bugenhagen, c'est le nom de leur opus, premier opus. Voilà pour donc ces Britanniques. On part de l'autre côté de la planète, en Australie, avec Pliny. Pliny, c'est un guitar hero qui nous a concocté un Handmade Cities de toute beauté. Handmade Cities. Et je vous propose un extrait de cet album. Thank you. Pliny, Handmade Cities. On continue séquence Guitar Heroes avec cette fois-ci le Canadien Nick Johnston. Nick Johnston, comme ça se prononce, J-O-H-N-S-T-O-N. Et son album Remarkably Human, c'est canadien et c'est tout frais. Thank you. Il n'est pas tout à fait 10h, 22h, vous êtes sur Sol FM, le 100.7. Et maintenant, une séquence Oldies but Goldies. Vous savez que nos amis d'Ésotériques ont à cœur de réanimer des petits trésors du passé. Et cette fois-ci, nous ont sorti deux albums de Jody Grind, J-O-D-Y, plus loin Grind, G-R-I-N-D, Jody Grind. Je vous propose un extrait de leur premier album intitulé Far Canal, j'ai beaucoup aimé. Ça date, c'est pas tout jeune, de 1970, mais c'est fort bien troussé. Tout de suite, Jody Grind sur Prog à part, l'émission du rock progressif. Like a crystal, turn it any way the light shines through, and my light is you. Evil is the thistle, as it breaks the wall, will separate between love and hate. Humanity's our only name. If something's wrong, we're all to blame. Some will never change, they like it as it is, long as they don't see a miss. He who casts a blind eye blinds his mind's eye. And when 200 years have passed, maybe they'll realize at last, we've had it right from the start. We've had it right from the start. Thank you. Belle maturité pour l'époque, belle maturité pour ce jeune groupe et ce premier album, Jody Grind. Les habitués de l'émission connaissent certainement Flamborough Head, groupe prog, néo-prog, symphonique, si je puis utiliser ce terme, hollandais. Et j'ai découvert un peu tardivement, mais mieux vaut tard que jamais, ce Lost in Time. Ça date de 2013 et comme d'habitude, c'est vraiment superbe, du symphonique comme on l'aime. Lost in Time, il est perdu dans le temps, mais j'espère pas trop longtemps. En tout cas, tout de suite, un extrait. Ça date de 2013 et je vous disais, c'est du Flamborough Head, Made in Holland. une inspiration à la Camelle, tout à fait bienvenue. En écoutant Flamborhead, j'ai des souvenirs qui me reviennent, car le groupe nous avait gentiment invités à son festival du Prog Farm du côté d'Amsterdam. Donc nous, c'est-à-dire Silver Lining, on avait été accueillis vraiment à bras ouverts. J'espère que le groupe est toujours en activité parce qu'ils avaient beaucoup de talent en plus de cette gentillesse. Ils sont plus au sud, mais ils sont aussi très sympas. Ils viennent très souvent au Prog Sud. Ils sont d'origine méridionale, peut-être marseillaise, j'en suis pas tout à fait sûr. Je veux parler de Tokawok. J'ai toujours envie de dire Tomahawk. Non, c'est Tokawok. Et donc, j'ai pu rentrer leur album sorti en 2012, donc une année avant l'album de Flamborhead, 2012, un album intitulé Solitude. Vous allez voir que c'est très très bien foutu avec de belles paroles. Tokawok tout de suite et Solitude. We'll be right back. La cible, Tokawok. Ah, voilà un groupe britannique que j'aime beaucoup. Ils sont originaires du Yorkshire, le pays de mon ami Tim Hunter. Oui, mon compère au sein de Silver Hunter. Un groupe que j'aime beaucoup, intitulé Mostly Autumn. Un album de 2010, Go Well Diamond Heart. Go Well Diamond Heart, tout de suite, et après, je réponds au téléphone. Thank you.

circle of hands, cold spirits plan, searching my land for an enemy. Came across love's sweet cost, and in the face of beauty, evil was lost. Sky full of eyes, minds full of lies, black from their cold hearts down to their graves. Murder the dawn, spreading their scorn, cursing the sun of which love was born. We must keep them away. Pretty soon we'll pay, count the cost in sorrow. Sacrifice, future has its price, and today's only yesterday's tomorrow. Tomorrow. Allez, comme je suis bien brave, un petit bonus pour la route avant de terminer, de vous quitter. Uriah Heep, je crois n'avoir jamais passé d'Uriah Heep sur cette antenne, mais à coup de pas, groupe proche de Deep Purple, donc un extrait de Demons and Wizards, ça date de 72, super pochette de Roger Dean. Voilà, juste après, donc Mostly Autumn, Go Well, Diamond Heart, qui lui était de 2010 et également britannique. Pour terminer, je vous rappelle que Magma est en concert au Transbo ce samedi 11 mars. J'ai bien dit Magma au Transbo ce samedi 11 mars. Quant à nous, on se retrouve le lundi 3 avril, de 20h30 à 22h30, comme d'habitude, pour une nouvelle édition de Prog à part. Je conclue en vous disant qu'Acid Dragon numéro 69, et oui, 69, année érotique, eh bien, vient de sortir. Pour 3,50€, vous aurez tout sur Rarebird, Morse Code, ou Morse Code, puisqu'en fait, c'est les Canadiens, Harmonium, Iceberg, les Allemands que je vous ai passé en radio, et encore plein d'autres rubriques psychédéliques, prog, métal et autres, chroniques, etc., etc. 64 pages, couverture couleur, 3,50€. Tout ceci, vous le trouvez, et bien d'autres choses, sur le site d'Acid Dragon. C'est Acid, plus loin, Dragon, non, même tout collé en fait, Acid Dragon. .eu, et là vous retrouverez dès demain, c'est promis, le podcast de cette émission. Voilà, je respire, c'est fini. Je vous donne rendez-vous donc au 3 avril, et comme d'habitude, tenez tati à que la prochaine. C'était Prog à part, l'édition de mars, une émission présentée et proposée par Thierry Sportouche.